les positions sont irréconciliables, pas depuis maintenant, mais depuis un moment. Et nous ne savons pas pourquoi le ministre s'entête à vouloir rester là où peut-être elle n'est pas aimée. Et je n'ai jamais connu, en tout cas, de ma petite expérience terre, un tel amour aussi forcé. Moi, je ne comprends pas. C'est le même amour peut-être que Barkhane vouait pour le Mali, pour le peuple malien. On leur demande de partir en ce moment qu'ils sont en train de déclarer leur fille. Nous ne comprenons pas. Et ce qu'essayait de dire Bassolo, s'il a effectivement, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une seule manifestation aujourd'hui au Mali. Il n'a pas été bien entendu. Il essaie de vous dire qu'il y a plusieurs manifestations. Les images que vous voyez comme ça, cette vidéo diffusée, ça c'était ce matin dans la commune de Sitakili. Afrique Média, le monde, c'est nous.